Comment direz-vous « il achèterait » ? « Le compraria ». D'accord, hein, « le compraria ». Maintenant, on est avec « ria », hein, avec le conditionnel. Et donc, si j'étais vous, je ne l'achèterais pas, hein, je ne l'achèterais pas. « No lo compraria ». C'est ça, « no lo compraria hein ». Encore une fois. « No lo compraria ».« No lo compraria ». Si vous voulez dire « moi hein, », »,« moi à ta place », je ne l'achèterai pas, vous pouvez ajouter « yo hein, ».« Yo no lo compraria hein, ».« No lo compraria ». Il ou elle au pluriel hein, ».« Il ou elle ne l'achèterait pas ».« No lo comprarían ». Ne vous éloignez pas de la terminaison de base. Hein. Pour le conditionnel, on part toujours de « ria hein, ».« Ria ». « Ria ». Mais avec « il » au pluriel, c'est quoi ? Bah, reprenez à zéro. Révite-le. « No lo compraria ». Oui, mais avec « il » ou « elle » au pluriel, ça sera ?« Marianne ». Voyons. « Rian ». Voilà, hein, c'est ça. « Comprarian ».« Comprarian hein ». Ce n'est pas « Rianne hein, », mais « Rian hein ». On part toujours de « ria hein ». C'est la terminaison de base, ria. Donc, ici, rien. Et tu ne l'achèterais pas? No lo comprarías. No lo comprarías. Hein? Et comment direz-vous, nous ne l'achèterions pas? Attention. No lo compraríamos. D'accord. Hein? Alors, vous restez avec ria. Hein? Et puis, vous ajoutez un N ou un S ou mos. Hein? Donc, ici, c'est « no lo compraríamos ». ».